Book 2 19 19 19 في المطبخ Dans la cuisine Dans la cuisine عندك مطبخ جديد As-tu une nouvelle cuisine As-tu une nouvelle cuisine? ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ Que veux-tu cuisiner aujourd'hui? Que veux-tu cuisiner aujourd'hui? أتطبخ بالكهرباء أو بالغاز؟ Ta cuisinière est-elle électrique ou au gaz? Ta cuisinière est-elle électrique ou au gaz? هل أقطع البصل؟ Veux-tu que je coupe les oignons? Veux-tu que je coupe les oignons? هل أقشر البطاطس؟ Veux-tu que j'épluche les pommes de terre? Veux-tu que j'épluche les pommes de terre? هل أغسل الخس؟ Veux-tu que je lave la salade? Veux-tu que je lave la salade? أين الكبايات؟ Où sont les verres? Où sont les verres? أين الصحون؟ Où est le service? Où est le service? أين الملاعق والسكاكين؟ Où sont les couverts? Où sont les couverts? أعندك فتاحة علب؟ As-tu un ouvre-boîte? As-tu un ouvre-boîte? أعندك فتاحة قناني؟ As-tu un décapsuleur? As-tu un décapsuleur? أعندك مفتاح للفلين؟ As-tu un tire-bouchon? As-tu un tire-bouchon? أتطبخ الشوربة في هذا القدر؟ Prépares-tu la soupe dans cette casserole? Prépares-tu la soupe dans cette casserole? أتقلي السمك في هذه المقلاة؟ Fais-tu frire le poisson dans cette poêle? Fais-tu frire le poisson dans cette poêle? أتشوي الخضار على هذه الشواية؟ Fais-tu griller les légumes sur ce barbecue? Fais-tu griller les légumes sur ce barbecue? أنا أجهز طاولة السفرة. Je mets la table. Je mets la table. هنا السكاكين والشوكات والملاعق. Voici les couteaux, les fourchettes. Et les cuillères. Voici les couteaux, les fourchettes et les cuillères. هنا الكبايات, الصحون والمناديل. Voici les verres, les assiettes et les serviettes. Voici les verres, les assiettes et les serviettes.